Dans le club, complètement chiré au paddy. Je ne danse pas, pas besoin, ça c'est mon avis. Alors je m'ambiance, je chill et je me la mets. So fly, so high, j'atteins des sommets. Et ouais, on casse tout, on glace tout, on tasse tout. Tu connais l'équipe, tu sais que c'est le retour du bap tout. Et on les casse tous, les fâches tous, les baffes tous. Fais péter le son et paye un ref que je les crache tous. Pas moins que les crevards se tapent pour des raclures. Nous on fait le show, on fait monter la température. Et toutes ces pillages attirées par le pif. Je ne parle pas au michto, je n'ai pas pris mon ribis. Si c'est pas la bourgeoisie, on ne boit pas de champagne. C'est gros stay the sky, à 8 pour poser la caille. Non, ce n'est pas la bourgeoisie, on ne boit pas de champagne. Désolé mesdames, on n'a pas le nez dans la cam. Ouais gros, des petits délires de clubbeurs, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. Yeah, yeah, yeah. Web girl, des petites cerises de BH, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. Yeah, yeah. Ouais gros, des petits délires de jet set, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. Yeah, yeah. On est venu dans le club pour se la mettre. Avec un spliff dans le sort, il est 2h du mat, les gens s'éclatent en dansant. Je me dirige vers le bar, je me pose et tape des bars. Peu importe où je regarde, je vois des gens trop bizarres. Y'a cette mine chez là-bas qui me fait des clins d'œil. Y'a cette bitch chez là-bas qui veut que je la douille. Mais désolé, faut te consoler, ça n'est je ne vais pas t'en. T'es qu'une simple petite pute qui me fait trop rigoler. Y'a des mecs qui s'embrouillent juste pour payer la boisson. Des crevards qui se débrouillent, ma gouille à foison. Mes couilles, vas-y, change ce son, me rend fou. C'est pas le train du DJ, il sort de quel trou. Affreux, dégoûtant, ainsi ça l'est tout le temps. Mais ces connards reviennent toujours à fond dedans. Moi je me fous de tout en étant défoncé. Je suis juste pour piller. Y'avait pas pour danser. Ouais gros, des petits délires de clubbeurs, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. Yeah, yeah, yeah. Web girl, des petites cerises de BH, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. Yeah, yeah. Ouais gros, des petits délires de jet set, on en a rien à foutre.